Chapitre 28. Un nouvel astre. Cette nuit même, la palpitante nouvelle, si impatiemment attendue, éclata comme un coup de foudre dans les États de l'Union, et de là, s'élançant à travers l'océan, elle courut sur tous les fils télégraphiques du globe. Le projectile avait été aperçu grâce au gigantesque réflecteur de Longspeak. Voici la note rédigée par le directeur de l'observatoire de Cambridge. Elle renferme la conclusion scientifique de cette grande expérience du Gun Club. Longspeak, 12 décembre. À messieurs les membres du bureau de l'Observatoire de Cambridge. Le projectile lancé par la Columbia de Stones Hill a été aperçu par messieurs Belfast et J.T. Maston le 12 décembre à 8h47 du soir, la Lune étant entrée dans son dernier quartier. Ce projectile n'est point arrivé à son but. Il l'a passé à côté, mais assez près cependant, pour être retenu par l'attraction lunaire. Là, son mouvement rectiligne s'est changé en un mouvement circulaire d'une rapidité vertigineuse, et il a été entraîné suivant une orbite elliptique autour de la Lune, dont il est devenu le véritable satellite. Les éléments de ce nouvel astre n'ont pas encore pu être déterminés. On ne connaît ni sa vitesse de translation ni sa vitesse de rotation. La distance qui le sépare de la surface de la Lune peut être évalué à 2833 milles environ, soit 4500 lieues. Maintenant, deux hypothèses peuvent se produire et amener une modification dans l'état des choses, où l'attraction de la Lune finira par l'emporter et les voyageurs atteindront le but de leur voyage, ou, maintenu dans un ordre immuable, le projectile gravitera autour du disque lunaire jusqu'à la fin des siècles. C'est ce que les observations apprendront un jour, mais jusqu'ici, la tentative du Gun Club n'a eu d'autre résultat que de doter d'un nouvel astre notre système solaire. J. Belfast. Que de questions soulevait ce dénouement inattendu? Quelle situation grosse de mystère l'avenir réservait aux investigations de la science? Grâce au courage et au dévouement de trois hommes, cette entreprise, assez futile en apparence, d'envoyer un boulet à la Lune, venait d'avoir un résultat immense et dont les conséquences sont incalculables. Les voyageurs, emprisonnés dans un nouveau satellite, s'ils n'avaient pas atteint leur but, faisaient du moins partie du monde lunaire. Ils gravitaient autour de l'astre des nuits, et pour la première fois l'œil pouvait en pénétrer tous les mystères. Les noms de Nicole, de Barbicane, de Michel Ardan devront donc être à jamais célèbres dans les fastes astronomiques, car ces hardis explorateurs, avides à grandir le cercle des connaissances humaines, se sont audacieusement lancés à travers l'espace et ont joué leur vie dans la plus étrange tentative des temps modernes. Quoi qu'il en soit, la note de Longspeak, une fois connue, il y eut dans l'univers entier un sentiment de surprise et d'effroi. Était-il possible de venir en aide à ces hardis habitants de la Terre? Non, sans doute, car ils s'étaient mis en dehors de l'humanité, en franchissant les limites imposées par Dieu aux créatures terrestres. Ils pouvaient se procurer de l'air pendant 2 mois. Ils avaient des vivres pendant 1 an, mais après, les cœurs les plus insensibles palpitaient à cette terrible question. Un seul homme ne voulait pas admettre que la situation fût désespérée, un seul avait confiance, et c'était leur ami dévoué, audacieux et résolu comme eux, le brave J.T. Maston. D'ailleurs, il ne les perdait pas des yeux. Son domicile fut désormais le poste de Longspeak, son horizon le miroir de l'immense réflecteur. Dès que la Lune se levait à l'horizon, il l'encadrait dans le champ du télescope. Il ne la perdait pas un instant du regard et la suivait assidûment dans sa marche à travers les espaces stellaires. Il observait avec une éternelle patience le passage du projectile sur son disque d'argent et véritablement le digne homme restait en perpétuelle communication avec ses trois amis qu'il ne désespérait pas de revoir un jour. « Nous correspondrons avec eux, disait-il à qui voulait l'entendre, dès que les circonstances le permettront. Nous aurons de leurs nouvelles et ils auront des nôtres. D'ailleurs, je les connais, ce sont des hommes ingénieux. À eux trois, ils emportent dans l'espace toutes les ressources de l'art, de la science et de l'industrie. Avec cela, on fait ce qu'on veut, et vous verrez qu'ils se tireront d'affaire. » Ainsi s'achève « De la Terre à la Lune » par Jules Verne.